la période révolutionnaire, donc spécialement à Nancy. Il faut savoir qu'au moment de la proclamation de la République, les 21-22 septembre 1792, dont on a d'ailleurs fêté l'anniversaire il y a deux jours, dans le plus grand silence, 26 ans auparavant, Nancy était la capitale d'un État indépendant. Donc on peut se dire 26 ans, finalement, c'est un laps de temps suffisamment court pour que se pose la question des restes de l'indépendance lorraine dans les sources de la Révolution française, et principalement de la République. Alors pour cela, je vais revenir un peu en arrière et préciser que la persistance de cet esprit lorrain, par là j'entends lorrain ducal, s'établit de manière assez visible sur la période de 1736-1789, autour déjà d'un côté d'une forme de fidélité à la famille de Lorraine, à la maison de Lorraine, puis à Stanislas à partir de son règne et principalement après sa mort, et puis autour d'une constante juridique qui sert un peu de fil rouge, c'est les revendications qui sont attenantes à l'exécution du traité de Vienne dans sa version de 1736, puisqu'on ne mentionne jamais la version définitive de 1938, mais uniquement celle de 1736. Il y a deux articles qui sont en permanence ramenés sur le devant de la scène par les Lorrains qui tiennent à leur Lorraine. C'est l'article 13 et l'article 14. L'article 13 précise que les duchés de Lorraine formeront un gouvernement dont il ne sera rien démembré. Et l'article 14 précise que dans les traités donc de Vienne, on maintiendra des tribunaux, les jugements rendus par les tribunaux compétents seront maintenus. Alors, dès 1738, la Galésière met sous tutelle une partie des tribunaux lorrains. Donc c'est ça qui va faire que le traité de Vienne va devenir une revendication constante. Déjà dans les années 1740, avec les affaires Châteaufort et Chevrier, dont Laurent Jalabert nous a parlé ce matin, dans les années 60, avec Joseph-François Coster, et puis même jusqu'en 1788, avec Maurice Delvange, qui écrit, je cite, « La Lorraine était souveraineté indépendante. En la cédant, son souverain a pactisé pour elle. Les traités lui ont conservé ses droits, ses usages. » En 1765 et 66, les Lorrains perdent leur ancien duc François III, devenu empereur, et leur duc légal Stanislas. La perte de ces référents politiques identifiés entraîne rapidement une sorte de fusion des fidélités. C'est une expression que j'ai empruntée à Alain Petiot, qui interviendra tout à l'heure. On tente de reporter en fait les sentiments lorrains sur les enfants de l'empereur François, et particulièrement sur sa fille, une certaine Marie-Antoinette, qui deviendra tristement célèbre quelques années plus tard. Alors malgré des fidélités attestées à la maison de Lorraine, l'idée française a déjà fait son chemin. Et en 1789, les espoirs lorrains semblent déjà bien éteints. L'entrée en révolution, avec la possibilité d'une redistribution des cartes, va faire ressurgir de manière éphémère quelques anciennes revendications. Alors déjà, dans les cahiers de doléances, c'est en fait le moment où on le voit le plus de revendications de toutes les classes sociales en rapport avec la Lorraine, que ce soit à Bar, à Saint-Miel ou à Nancy, on demande que soient restaurés les États provinciaux de Lorraine, que le fameux traité de 1736 soit enfin respecté. Ces réclamations sont assez mollement portées par les députés de Lorraine aux États généraux, qui déclarent que la province de Lorraine, réunie la dernière, ne regrettera jamais la domination de ses souverains adorés qui firent le bonheur de leur peuple. Les réclamations autour du texte de 36 s'effacent en deux temps assez précis. Déjà lors de la fameuse nuit du 4 août 1789, où on abolit les privilèges d'un grand nombre d'individus, mais aussi les privilèges des provinces. On lisse en quelque sorte le droit du royaume. Et ensuite, lors du redécoupage départemental du royaume, fin 89, début 90. Donc là, on voit que vous pouvez voir, alors normalement en blanc, c'est pas la même qualité que sur l'ordinateur, mais en blanc, c'est les anciennes possessions du duché. Et en plus foncé, je sais pas si tu as moyen d'avoir une meilleure qualité d'image. Vous voyez ? Alors vous avez les évêchés autour de Toul, autour de Senone. Hein, là, c'est ce qui est en grisé, ici. Voilà, ici à Verdun, c'est en grisé. Et tout le reste est en blanc. Donc on voit que les Vosges sont finalement le département le plus lorrain, quasiment exclusivement composé d'anciennes terres ducales. Alors un des députés de la Lorraine, Adrien Duquesnoy, pense que la constitutionnalisation de la monarchie va enfin faire de tous les habitants de cet empire des vrais Français, eux qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient que des provinciaux ou que des Lorrains. Le même Duquesnoy qui nous a laissé un journal de son expérience parlementaire qui a été republié il y a 2 semaines au Mercure de France, aborde jamais directement dans ce journal la question du souvenir ducal. En revanche, il fait mention plusieurs fois d'un esprit lorrain, de tempérance, de prudence réfléchie, dit-il. Il aimerait que ses collègues en prennent de la graine, particulièrement ses collègues sudistes ou bretons, qui sont, de par leur caractère, je le cite, « des furieux insensés ». Il établit en fait une forme d'essentialisation, l'esprit de lorrain, esprit de tempérance. À Nancy, la Révolution est plutôt bien accueillie, comme en témoigne cette gravure coloriée de l'artiste nancéen Arpin, qui représente ici une fête civique sur la place royale de Nancy à l'été 1789. Alors cette gravure, elle est intéressante car elle montre à la fois un moment d'acceptation de la nouvelle situation politique, mais elle maintient une forme de particularisme, puisqu'on entrevoit sur le haut de la gravure le portrait de Stanislas. Ça résume assez l'intervention que je vais faire, c'est-à-dire que globalement, on accepte la Révolution et le sentiment lorrain est vraiment dans le détail. Donc en 1792, la monarchie est mise à bas. Le nouveau régime s'ébauche en pleine tourmente sociale, économique, culturelle. Quasiment toute l'Europe est en guerre contre la France. On va se rassembler non plus autour des figures tutélaires du seigneur ou du duc ou du roi, mais autour d'un concept qui transcende ses pouvoirs personnels, la nation. Alors va émerger la conscience de faire partie d'un tout uni, indivisible. Et c'est dans ce nationalisme naissant qu'on va tenter d'ausculter Nancy, de repérer des indices d'un particularisme lorrain qui, vous allez le voir, sont assez ténus, mais quand même visibles. Déjà à travers une parole officielle et ensuite à travers une parole plus populaire. Alors, premier élément, on va dire, c'est une vieille antienne de la Lorraine, c'est la rivalité Nancy-Metz. Début septembre 92, au moment où on officialise publiquement à Nancy les événements du 10 août 1792, le maire de Nancy, Adrien Duquesnoy, fait une proclamation publique sur la place royale qui est devenue entre-temps la place du peuple, donc l'actuelle place Stanislas. Et il a à la tribune un invité de marque, il s'agit de François-Nicolas Antoine, futur conventionnel et maire de Metz. Le procès-verbal de cette journée raconte... Il a été observé par le maire de Metz qu'autrefois, une rivalité avait longtemps entretenu une mésintelligence entre les deux villes, que la malheureuse journée du 31 août 90, dans laquelle on avait tenté d'anéantir la liberté, n'avait pas pu contribuer à empêcher la réunion des esprits, mais qu'aujourd'hui, les mêmes intérêts devaient porter les habitants des deux villes à se jurer, une amitié éternelle. Qu'en signe de cette amitié, il désirait que les deux maires s'embrassassent, ce qui a été effectué à l'instant. Alors là, on voit Antoine fait référence à l'affaire de Nancy du 31 août 1790. C'était un moment particulier, où c'est le moment d'ailleurs le plus sanglant à Nancy pendant la Révolution, puisqu'il y a près de 300 à 400 morts et blessés. C'est suite à une répression assez féroce de Bouillet, qui est le gouverneur des trois évêchés, qui siège à Metz, qui est envoyé par Lafayette pour réprimer les mutins nancéens. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 500 gardes nationaux de Metz qui se proposent bénévolement d'aller aider Bouillet à réprimer Nancy, ce qui avait pas mal ravivé une rivalité entre les deux villes. Mais là, avec la République et la réconciliation, les deux maires qui s'embrassent, on met fin provisoirement à un particularisme lorrain. Alors par contre, là où c'est un peu moins visible, vous allez voir que c'est la réaction en fait, des administrations de la Meurthe ou des érudits meurtois ou lorrain donc, au décret révolutionnaire. À Nancy, on va tenter en fait, de trouver des points communs entre l'ancienne juridiction de Lorraine et la nouvelle juridiction révolutionnaire pour tenter de faire rentrer le passé particulier dans la nouvelle nation. Déjà en février 90, on avait des signes de cette tentative rhétorique avec toujours le même Adrien Duquesnoy qui expliquait à propos du nouveau plan pour la réforme judiciaire de 90. Je cite « Ce qui donne aux gens de bien une grande espérance, c'est que le nouveau plan de justice a beaucoup de rapport avec les formes employées en Lorraine jusqu'au temps où le fisc est venu s'aider d'une armée de gens de robe pour partager avec eux le sang du peuple. nos jugements par bailli ressemblent beaucoup à ceux qu'on nous propose aujourd'hui. Et nos anciennes assises de Lorraine sont les tribunaux ambulants de nos modernes projets. Au moment de la République, on va essayer de tenter d'avoir la même rhétorique, de dire que finalement la Lorraine était peut-être en avance sur la Révolution. Alors on va voir que c'est une rhétorique qui n'est pas très tenable, mais elle est quand même tentée. Notamment autour de la question de l'aliénation des domaines. Donc là, c'est un décret du 10 Frimaire en 2, donc du 31 novembre 1993, qui précise que l'aliénation des domaines, donc c'est un décret qui annule les prescriptions en fait, d'un vieil édit, l'édit de Moulins, qui avait été signé sous Charles IX en 1566, et qui définissait le domaine royal fixe comme inaliénable, c'est-à-dire on ne pouvait pas en vendre une partie. En l'an 2, on revient sur ces dispositions afin de mieux organiser la politique de vente des biens nationaux. Cela pose de fait un problème en Lorraine, où l'édit de Moulins n'a jamais été appliqué, puisqu'il avait été signé par des Français à une époque où la Lorraine n'avait pas entériné ces lois-là. Les règles propres au duché, elles sont totalement différentes. En Lorraine, le domaine a toujours été aliénable, et donc public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont des portions du domaine ducal dans leur possession, et qui peuvent donc se voir spoliés par le décret du dit Frimaire et perdre des possessions qui étaient légalement acquises. Le département de la Meurthe va écrire une adresse officielle à la Convention en lui demandant d'abroger le décret du dit Frimaire, ou alors de créer des exceptions. On rappelle que la Lorraine a été réunie à la France longtemps après l'ordonnance de Moulins de 1566, et que cette ancienne province pouvait espérer que les aliénations antérieures à son incorporation devaient être réglées d'après les lois alors en usage. On évoque aussi les rois Charles IX et Louis XIV. Ce principe des terres aliénables se trouve consacré par des lois précises et par un long usage bien différent à ceux établis sous les tyrans Charles IX et Louis XIV. Puisqu'en Lorraine, il est prouvé que les États généraux se refusèrent toujours au privilège des domaines et que, le ci-devant prince, donc le duc de Lorraine, n'avait pas là, comme en France, des cours disposées à seconder ces usurpations. Qu'en un mot, on veillait là à la conservation du droit public. Donc on voit bien ici la contestation de ce décret. C'est l'occasion de mettre en avant une politique lorraine ducale qu'on oppose les princes lorrains aux tyrans français. On oppose la conservation du droit public lorraine aux usurpations de la cour de France. L'adresse est défendue à Paris par deux commissaires meurtois qui se permettent tout de même de corriger les administrateurs du département, car dans la première adresse, on précisait que la Lorraine avait été rattachée à la France en 1736. Et nos deux meurtois envoyés à Paris répondent au département en l'instruisant d'une erreur de date qui s'est glissée dans l'adresse, en faisant reporter à 1736 l'époque à laquelle la ci-devant Lorraine a été réunie à la France, tandis que cette réunion ne s'est effectuée qu'en 1766. Donc là, est-ce qu'il faut voir juste une erreur de la part des administrateurs de la Meurthe ou une différence d'interprétation quant à la date de rattachement? C'est-à-dire ceux qui sont fidèles à la maison de Lorraine et qui considèrent que dès 1736, la Lorraine est française, et ceux qui incluent Stanislas dans le souvenir local et voient la Lorraine française à part de 1766. Bon, on n'a pas de réponse à cette question. Toujours est-il que le décret du dit Frimaire va être abrogé et ne s'appliquera pas de la manière dont il avait été prévu. Un deuxième point, c'est sur les décrets d'août 92 et 93 qui suppriment les académies royales, mais qui cependant autorisent les citoyens à s'organiser en sociétés savantes si elles sont libres. La Société royale des sciences et belles-lettres de Nancy, qui avait été fondée en 1750 par Stanislas, est bien sûr concernée par ces différents décrets, même si depuis août 92, elle a retiré l'adjectif royal de son nom. Elle s'appelle désormais la Société libre des arts, des sciences et belles-lettres de Nancy. On charge Joseph-François Coster, son secrétaire perpétuel, d'un rapport de 29 pages en janvier 1993 pour argumenter et maintenir la Société libre de Nancy. On pense qu'elle ne correspond pas à la définition des décrets qui parlent d'Académie royale. Alors Coster en fait rappelle que contrairement aux Académies du Royaume de France, le commanditaire ne s'est pas inscrit en supérieur des académiciens, mais en leur égal. Il dit que c'est en citoyen que Stanislas a fondé l'Académie, et non en roi. Et bien que chef de cette société, il en était tout aussi bien un savant qu'un amateur. Alors cette fois-ci, la Convention n'entend pas les arguments des Lorrains, et la société de Nancy devra s'adapter et donc être théoriquement supprimée. Le même Joseph-François Coster va pondre plusieurs rapports du même type entre 1793 et 1795. Notamment, il est chargé d'argumenter par le département en faveur de Nancy face à Strasbourg pour l'obtention d'un des 9 lycées nationaux prévus par la Convention. Il est aussi nommé commissaire pour le recensement des œuvres confisquées dans les bâtiments religieux et les maisons des émigrés. À chaque fois, il utilise à peu près le même argumentaire. Il tente de montrer que les injustices de l'ancien régime français, contre lesquelles se battent les révolutionnaires, sont des injustices franco-françaises, que les Lorrains, eux aussi, ont subies, et que quelque part, les Lorrains étaient des précurseurs de la Révolution. Les argumentaires ne fonctionnent pas. Dans les exemples abordés, on observe des argumentaires tendant à opposer le Royaume de France et Lorraine ducale, à relier la tradition lorraine à la Révolution. C'est une manière finalement de s'assimiler à la nation française en faisant exister un esprit lorrain humaniste, avant-gardiste ou précurseur des idées de la Révolution. En fait, si on regarde la chose de l'autre côté, on observe une acculturation républicaine. On voit que les plus fervents lorrains sont obligés de s'adapter au discours de la Révolution pour fournir des argumentaires. Alors je vais en venir maintenant à la parole populaire. Je vais aborder surtout deux exemples. Elle se manifeste déjà en septembre 92. Alors l'Assemblée nationale législative, le 14 août 1992, donc 4 jours après la chute de Louis XVI, vote un décret relatif à la destruction des monuments susceptibles de rappeler la féodalité, dont 2 articles vont avoir leur importance à Nancy. Le premier article, toutes les statues et autres monuments de bronze élevés dans les places publiques, etc., seront enlevés à la diligence des représentants des communes. L'article 4, lui, précise que la commission des monuments est chargée expressément de veiller à la conservation des objets qui peuvent intéresser essentiellement les arts. La municipalité de Nancy entreprend tout de suite de dresser des échafaudages autour de la statue de Louis XV, qui est au centre de l'ancienne place royale devenue place du peuple. Cela provoque pas mal d'attroupements autour de la statue et des débats. Certains pensent que la statue, comme le maire d'ailleurs, doit être comprise dans l'article 1. On a affaire quand même à un monument qui fait 7,5 tonnes de bronze. On est en pleine guerre, on a des moyens militaires limités, donc ça va être l'occasion de fondre pas mal de canons. D'autres Nancéens pensent que la statue peut être comprise dans l'article 4, qu'elle peut intéresser essentiellement les arts. Une pétition est donc lancée le 2 septembre 1792 et recueille en 2 jours près de 600 signatures, ce qui n'est pas anodin dans une ville de 30 000 habitants. Cette pétition, donc, les citoyens de la ville de Nancy observent à leurs magistrats qu'ils n'ont vu qu'avec la plus grande sensibilité les préparatifs faits pour l'enlèvement de la statue de Louis XV. Ce monument, chef-d'œuvre d'un artiste célèbre et leur compatriote, était bien propre à ajouter à l'embellissement de la cité et à la rendre l'objet des recherches et de l'admiration des étrangers. Mais quelque puissant que soit ce motif, il n'eût pas suffi pour occuper leur sollicitude, ce qui excite leur douleur et le souvenir cher et précieux qu'ils conservent de la mémoire de Stanislas. C'est à la munificence de ce monarque bienfaisant que la ville de Nancy doit sa splendeur. On ne peut faire un pas dans son enceinte sans avoir sous les yeux une marque de sa bonté paternelle. Et si toute la Lorraine a été l'objet de ses soins, combien n'a-t-il pas distingué Nancy des autres villes de cette province ? Il y a ensuite une liste de tous les bienfaits de Stanislas. Le commerce, encouragé par des fonds destinés à faire fleurir l'industrie indigente, des hôpitaux fondés pour procurer à l'enfance délaissée et à la vieillesse souffrance des asiles propres à leur faire oublier leur infortune, des écoles gratuites, des magasins d'abondance, des hospices de charité, des secours accordés aux victimes du ravage des incendies, tout porte l'empreinte du soin qu'il prenait des hommes. Quel est le citoyen de Nancy qui pourrait être insensible à tant de bienveillance ? Quel est celui qui, par reconnaissance, ne se soit jamais fait une espèce de culte de la mémoire de ce bon roi? Jamais la ville de Nancy ne sera coupable d'une si rare ingratitude. Que plutôt, toutes les marques de bonté de ce grand homme soient conservées, qu'elles servent d'encouragement et de modèle à ceux qui sont destinés à gouverner les hommes, que la postérité, en apprenant les bienfaits de Stanislas et notre reconnaissance, dise avec attendrissement « Si les sceptres de l'univers eussent été remis en de pareilles mains, tous les hommes eussent été heureux ». On demande donc que soit sursis à l'enlèvement de la statue de Louis XV. Alors, en apparence, le message paraît clair. On observe un sentiment d'attachement, de fort attachement, une forme de loyauté à Stanislas et à sa politique humaniste envers les pauvres, les vieillards, les illettrés, les malades, les affamés, sous-entendu des préoccupations en accord avec la Révolution. La municipalité, ne sachant trop que faire, fait passer la pétition au département, qui l'a fait passer à la Convention. La Convention qui, dans ses toutes premières séances, qui vient d'abolir officiellement la monarchie. À Nancy, quand on apprend que la monarchie est abolie, on estime que la pétition est invalidée. De fait, on ne va pas conserver la statue d'un roi de France, parce que c'est quand même ça la question, au milieu de la ville. On inhume la statue au pied de son socle. En novembre, le ministre de l'Intérieur, Roland, un Girondin, enjoint la commune de Nancy de faire briser et fondre l'ouvrage. On envoie la statue en janvier 1993 à Metz, où les 7,5 tonnes de bronze sont vendues et utilisées pour la défense de la patrie. Alors ce qu'on peut retenir de cette affaire, c'est que la municipalité de Nancy, en voulant précipiter l'exécution du décret du 14 août 1992, ne pense pas une seule seconde à faire de l'anti-lotharingisme primaire. C'est vraiment, on est dans une préoccupation totalement pragmatique, pratique. Verdun vient d'être prise par l'ennemi. Donc la pétition, elle tente l'exercice périlleux de réhabiliter politiquement Stanislas, duc de Lorraine, à travers la défense d'une statue du tyran, c'est le mot de l'époque, Louis XV. Bien sûr, elle n'est pas couronnée de succès, mais c'est un marqueur fort à la fois du sentiment populaire, puisque la majorité des signataires sont soit des artisans, soit des journaliers, soit des cultivateurs. Et puis c'est aussi un marqueur de la persistance peut-être aristocratique ou monarchique à Nancy à ce moment-là. On ne peut pas connaître les motivations de chacun des signataires, mais on peut penser qu'il y avait bien sûr des partisans de la monarchie qui avaient signé cette pétition sous couvert de Stanislas. Alors un an plus tard, cette pétition elle est ressortie en l'an 2, et puis on va destituer les administrateurs des différentes administrations qui l'avaient signé un an plus tôt. Il se trouve que dans ces signataires, il y avait aussi les membres du futur parti sans culottes ou les plus radicaux révolutionnaires un an plus tard. Alors c'est assez paradoxal finalement cette volonté forte de sauvegarder la statue de Louis XV quand on sait qu'en 1755, à l'inauguration de la même place et de la même statue, quelques Lorrains, on va dire indépendantistes ou fiers de leur Lorraine, refusaient de passer par la place du peuple, se recueillaient devant la statue de Léopold, un vrai descendant de la maison de Lorraine, ou pire, souillaient la statue de Louis XV. Donc on voit qu'en 50 ans, les mentalités changent beaucoup. L'amalgame entre Stanislas et son gendre Louis XV se poursuit dans l'enfouissement symbolique de la statue. On enterre à la fois le tyran Louis XV et à la fois le souvenir du dernier duc de Lorraine. J'en viens maintenant aux paroles un peu plus populaires. Donc là, c'est une parole, encore une fois, contre-révolutionnaire, mais qu'on pourrait presque qualifier de lotharingiste, si ce n'était pas anachronique. Il s'agit d'une affiche manuscrite, datée du 19 avril 1794, et placardée sur le Temple de la Raison. Le Temple de la Raison, c'est la cathédrale actuelle de Nancy. Le comité de surveillance la décroche le 20 prairial en deux, c'est-à-dire le 8 juin 1794. On y voit un ciboire, ou en tout cas un vase sacré, qui surmonte deux hosties et une citrouille. Alors, à la première vue, la citrouille, ça paraît pas évident, mais en fait, c'est ce qui est écrit dessus. Chacun des éléments est annoté de courts textes versifiés, et la plupart du temps en alexandrin. On va zoomer un petit peu. Donc, dans le vase sacré, on peut lire « Ô temple de raison, jadis de Dieu la gloire, maintenant d'illusoire et brute déraison, impudeur et vengeance sont séants de saison. » La sans-culotte engeance de crimes et de jactances fredonne à l'unisson. Donc là, on a une référence aux réunions politiques qui se tiennent dans le temple de la raison, dans la cathédrale. Le vase est souligné par la formule « temps de la République nulle et invisible » qui se moque de la formule officielle « République une et indivisible ». Dans les deux hosties, on peut lire... Désolé, je vais être un peu vulgaire. Enfin, c'est pas moi qui suis vulgaire, c'est ce défenseur de la Lorraine. L'appel au cul, que dira-t-on de Robespierre ? L'appel au cul, car il sait bien qu'il est foutu. Saint-Just et lui, de la brasière, iront sous peu à la glacière. L'appel au cul. L'appel au cul et la convention s'apprêtent. L'appel au cul, qui pour le coup sera foutu, sur sa montagne mensongère, elle périra par la jarretière, s'appelle au cul. Cette affiche s'achève par deux adresses, une adresse aux Parisiens et une adresse aux Lorrains, qui va nous intéresser plus particulièrement, mais déjà celle aux Parisiens, donc dans la citrouille. Décrépite grenouille, pour que l'eau ne vous mouille, restez dans la citrouille, bonbon, vous y voilà, haha. La montagne en verdure, farcie de toutes ordures, c'est votre nourriture, vous y pâturera, haha, haha. Bon, là, il doit y avoir une référence à une chanson en vogue à l'époque, je pense. Vient ensuite une adresse spécialement dédiée aux Lorrains. Les Louis XI et Louis XV étaient-ils des Léopold et Stanislas ? Les Laporte et Cœur de Roi sont-ils des Mahuet, Lucourt et Durouvroy ? Les représentants français sont-ils des Grecs et des Romains ? Où sont les conspirateurs depuis la Révolution ? Où sont les conspirateurs lorrains ? Et pour Nancy seul, 8 Bastilles. Pour qui ? Pour nos concitoyens. Et des échappées de galères pour nous gouverner. Et pour voler nos pauvres détenus. Et tout cela, lorrain en bonnet rouge, tout leur est bon, cendre et guenilles. Donc on voit qu'il y a une référence à Louis XI, qui n'était pas en très bon rapport avec René II, on en avait parlé ce matin, à Louis XV, qui est finalement le roi français du rattachement de la Lorraine. Les Laporte et Cœur de Roi, c'est la noblesse française qu'on oppose à la noblesse lorraine des Mahuet et du Rouvroy. Ensuite, on moque la Révolution, et on finit par dire tout cela, lorrain en bonnet rouge français. Donc quelque part, on regrette que les Lorrains se soient autant acclimatés à la France révolutionnaire, à la nation, tout leur est bon, cendre et guenilles. Donc c'est aussi une forme de tristesse de voir la Lorraine ducale qui part en cendre et en guenilles. Donc là, c'est vraiment le seul témoignage, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, j'espère en trouver d'autres, mais sur les quelques 3000 codes d'archives pour l'instant que j'ai dépouillés, j'ai trouvé environ 45 mentions de la Lorraine ou des ducs. Donc c'est principalement autour de Stanislas, autour des documents que je vous ai présentés précédemment. Et c'est le seul vrai document où on peut sentir un sentiment lorrain assumé, direct. C'est un document anonyme, bien sûr. On ne trouvera pas l'auteur. Alors on peut faire des rapprochements avec le poète nancéen Jean Tillâtre, qui a laissé quelques poèmes dans les fonds lorrains de la bibliothèque municipale. Il y a quelques annotations manuscrites sur ces poèmes imprimés qui peuvent ressembler un peu à cette écriture. Donc, bon, l'enquête est en cours. En tout cas, ça ressemble un peu à son style. Et puis, on l'appelle au cul, c'est une expression qui est très, très à la mode à l'époque. Pour conclure, je dirais que les restes d'esprit lorrain sont vraiment très maigres pendant la Révolution. Ils ne sont pas totalement inexistants, on l'a vu, c'est vraiment dans le détail. Mais globalement, la Révolution, en inventant la nation, ou en tout cas en lui donnant du corps, du sens, inclut de fait les Lorrains dans la France. J'aurais pu aussi évoquer le cas des sépultures des ducs de Lorraine, dont les mausolées dans la chapelle des Cordeliers ou à l'église de Bon Secours pour Stanislas partiellement détruits. Il y a quelques notices sur ce sujet. On va les réintégrer. Alors les corps ne sont pas profanés, ils sont mis à part au cimetière des Trois Maisons, le cimetière de Boudonville qui se situait près des Trois Maisons, et ils sont réintégrés sous la Restauration. Pour ouvrir un peu le sujet, j'aimerais citer Dominique Flon, qui en 89 expliquait que la Révolution française et la République avaient été des facteurs décisifs d'assimilation de la Lorraine dans la France. Or, il semble que dès 89, la culture ancienne française avait déjà fait son œuvre. Le fait que les Lorrains, contrairement par exemple aux Vendéens, s'engagent dans les guerres de la Révolution avec zèle et sans protestation, alors même que l'ennemi était un descendant de la famille de Lorraine, tant quand même à montrer qu'on avait quelque peu oublié ce souvenir particulier. Pour conclure, j'aimerais bien ouvrir un peu aussi sur le... On a la chance dans la salle d'avoir Jean-Paul Rothiot qui travaille depuis plusieurs décennies maintenant sur les Vosges, enfin sur la Lorraine et les Vosges en particulier pendant la Révolution. Et j'aimerais savoir si lui, de son côté, il a déjà pu noter quelques traces lorraines dans le département des Vosges. Et puis, je voudrais vous remercier pour votre attention et Vianney Muller et tous les gens qui ont organisé cette journée. Merci.